À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président indien, birman, du Congo démocratique, tunisien, indonésien et iranien ont fait parvenir le message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Les destinataires ont souhaité santé et bonheur au maréchal Kim Jong-un, ainsi que progrès et prospérité continue au peuple coréen.